fleurs épuisées, sa fraîcheur, son éclos vermeil. Au printemps, donne-lui ta goutte de rosée. Oh, mon cœur, son épuisée, sa fraîcheur, son épuisée.